Dans L'origine des espèces, publié en 1859, Charles Darwin décrit comment la nature obéit à des lois qui ne sont pas entièrement réductibles aux lois de la physique newtonienne. Nous avons vu hier que d'une toute petite cause, d'un petit tremblement imprévisible, pouvait naître une nouvelle espèce. Alors quelles sont ces lois que l'on associe trop souvent, et sans doute à tort, à la loi du plus fort? Ce que Darwin nomme la lutte pour l'existence et la sélection naturelle implique-t-elle nécessairement la destruction d'autrui? Soulevons aujourd'hui le voile harmonieux qui recouvre la nature pour découvrir de quoi les rapports entre les espèces sont vraiment faits. Imaginons par exemple qu'un animal, quel qu'il soit, se mette à chanter à l'unisson avec un oiseau et finisse par le dévorer. Comment aimez-vous vos œufs? Oh, bonjour, princesse! C'est quoi tout ça? On fait quelque chose? Messire, je crois que nous avons pris un mauvais départ hier. Et je tenais à me faire pardonner. Il est vrai qu'après tout, c'est vous qui m'avez délivré. Merci. Mangez vite. Nous avons une longue journée devant nous. Bonjour Thierry Hoquet. Bonjour Adèle Vanrette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université Paris-Nanterre et on vous doit une traduction de l'origine des espèces de Darwin. Je suis très heureuse de vous recevoir à ce micro. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre un extrait de Shrek, ouais. Donc le film d'animation où on voit la princesse Fiona, on a entendu sa douce voix, les harmonies de la nature, se promener dans les bois, dans les prés, une nouvelle Blanche-Neige, un peu avec des petits oiseaux qui chantent à l'unisson, qui envoient leurs trilles gaiement. Et puis à la fin, on entend le frémissement de l'huile dans une poêle et en fait ça s'est terminé qu'elle a pris les œufs des oiseaux pour faire des œufs frits pour le petit déjeuner. Donc c'est le retournement terrible de ce que cache le chant des joyeux chanteurs, de ces magnifiques oisillons. En réalité, il y a un visage absolument monstrueux de la nature qui se cache derrière tout ça. Il y a de l'élimination, de la prédation, de la compétition. Et l'harmonie ne se dégage que sur fond de ces horreurs-là. Et donc c'est ce retournement présenté ici de manière comique dans le film pour enfants, bien sûr, mais qui est, je pour crois... Pour enfants et plus grand. Et plus grand. Mais je crois que c'est le sens profond du message de Darwin, hein, c'est-à-dire, derrière l'harmonie, il y a l'effroi, il y a l'horreur, il y a des choses qui révulsent les êtres humains sensibles et moraux que nous sommes. Et pourtant, en fait... C'est à travers ces mécanismes implacables et cruels que une apparence de beauté et d'harmonie se dégage. Oui, c'est ça. Il y a quand même le souci esthétique chez Darwin que l'on retrouve page à page dans l'origine des espèces, qui peut paraître surprenant parce qu'on en fait, et je vous propose qu'on procède de cette manière-là, on essaie de faire la peau aux idées reçues qu'on attache à ce texte généralement. Darwin signifie pour nous aujourd'hui la loi du plus fort. En gros, c'est le plus fort qui s'en sort en détruisant le plus faible, ce qui est très effrayant quand on l'applique à l'échelle d'une société, évidemment. Est-ce que c'est ce qu'il dit, par exemple, si on prend le livre, hein, dans le chapitre 3, ça s'appelle « La lutte pour l'existence ». La lutte pour l'existence. Dans le chapitre 4, on aura « Sélection naturelle » ou « Survie du plus apte ». On va essayer de comprendre ce que veut dire ces expressions. Mais ce que ce début d'émission nous invite à faire, c'est de montrer que derrière la révélation de ces lois, la description de ces lois, de cette lutte et de cette sélection naturelle, il y a quand même un souci chez Darwin qui n'est peut-être pas que scientifique, ou bien est-ce aussi de la science, qui est la prise en compte de l'harmonie, la prise en compte de la beauté du monde. Et il le dit à plusieurs reprises, il qualifie de magnifique ce qu'il voit. Alors vous avez dit beaucoup de choses. D'abord donc sur cette harmonie. En effet, Darwin prend comme point de départ une thèse qui est celle de la physico-théologie de son époque, c'est-à-dire des théologiens qui veulent démontrer l'existence de Dieu à partir des harmonies de la nature. Donc il part non pas comme un épicurien, un disciple de Lucrèce qui lui dirait « il y a du hasard, de la contingence, etc. » Non, Darwin part de l'idée qu'il y a de l'harmonie, des co-adaptations, il dit par exemple, entre le gui et le pic. Le gui fait des beaux fruits qui nourrissent le pic et le pic contribue à la dissémination du gui sur les arbres. Donc l'un est nourri, l'autre est disséminé et donc tout le monde s'entend bien dans cette affaire. Donc ça c'est le thème physico-théologique, l'harmonie et la co-adaptation entre les espèces. Et Darwin va montrer qu'en fait cette co-adaptation, cette apparence d'harmonie peut être produite par une cause aveugle qui est la sélection naturelle. Donc en fait il prend comme point de départ, le constat de l'harmonie, ce qu'on peut contester, hein. D'autres feront autrement, partiront justement du fait que tout est bancal dans la nature. Mais Darwin, lui, il assume, il endosse cette thèse de, voilà, une certaine harmonie dont il faut rendre compte. Simplement, on va en rendre compte non pas par un designer intelligent, mais par les effets non prévus d'une loi implacable, et j'ai dit monstrueuse, avec une sorte d'indignation morale qui n'a pas lieu d'être, parce que la nature, elle, elle est amorale, elle est en dehors de toute considération morale. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Dans le point de départ dans l'harmonie. Ensuite, vous avez évoqué la sélection naturelle ou survie du plus apte, c'est ça? Oui. Ouais. En fait, ça, c'est très important, parce qu'effectivement, Darwin l'a dit, mais il ne l'a pas dit tout de suite. Donc en fait, il le dit en... À partir de 1869, c'est l'expression qu'il emprunte à Herbert Spencer. Parce que c'est le titre du chapitre que j'ai sous les yeux, en tout cas. Oui, dans la traduction de Patrick Thor, qui est une traduction de la sixième édition 1872. En fait, en 1859, il ne dit pas ça. Il dit juste « sélection naturelle » ou « préservation ». D'accord. Est-ce que ça change ? Eh bien, ça change beaucoup, parce qu'en réalité... Voilà. Sélection naturelle, il nous explique, c'est un mot compliqué, c'est une sorte de manière de dire, il dit, par souci de brièveté. C'est un mot qui permet de désigner ces deux mots, c'est une expression qui permet de désigner de manière ramassée un truc très compliqué, qu'on va voir dans le détail. Mais voilà. Et le problème, c'est que sélection naturelle, c'est un syntagme qui est construit par analogie avec des pratiques humaines qui sont celle de la sélection telle qu'on les pratique dans les élevages. C'est une analogie dont on ne sait pas si elle a été utile à Darwin pour inventer l'idée ou si ce n'est qu'une stratégie d'exposition de sa thèse, c'est-à-dire à partir d'un moment, il a découvert quelque chose et l'appeler sélection naturelle, c'était une manière de créer un parallèle avec quelque chose que ses contemporains avaient sous les yeux et pouvaient comprendre. C'est un peu l'équivalent, si vous voulez, entre la chute de la pomme pour Newton et puis le mouvement des planètes. Voilà. Vous voyez, pour expliquer un truc qui est difficile à comprendre, on vous donne un analogue simple, la chute de la pomme. Et ben la sélection telle qu'elle est pratiquée par les éleveurs, ça serait l'analogue pour comprendre ce qui se passe dans la nature. Donc voilà, il y a ça qu'il explique donc en 1859. Mais simplement, ce terme de sélection, il est très problématique pour les contemporains. Il sera bien sûr extrêmement problématique à l'étranger où on ne sait même pas ce que c'est que la sélection, y compris en France. Le terme n'existe pas en France avant Darwin. On ne parle pas de sélection en français avant Darwin. Et encore moins de sélectionner, qui est un mot aussi horrible si on y pense que solutionner. Vous voyez, c'est le même genre de barbarisme un peu. Donc le mot n'existe pas. Mais même en Angleterre, pour les contemporains de Darwin, le mot de sélection fait problème. Et c'est ça qui explique ce titre très long en double partie, hein, l'origine des espèces. Par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Voilà. C'est le titre original? Alors, oui. La première édition? Oui. Alors, il y a juste eu un petit 2 initial qui tombe dans la sixième édition. D'accord. Le 2, l'origine des espèces. Voilà. Mais sinon, c'est ça. Et en fait, c'est pas ce que Darwin avait voulu dire au départ. Il envoie à son éditeur un titre qui s'appelle, Jean-Claude Amezen l'a rappelé hier, le résumé d'un essai sur l'origine des espèces et des variétés, et par sélection naturelle. Et l'éditeur lui dit, bon, alors résumé, effectivement, non, c'est trop long pour être un résumé. Et deuxièmement, sélection naturelle, personne ne va comprendre, vous devez expliquer ce que c'est. Et c'est là qu'arrive la deuxième moitié ou la préservation, etc. Donc en fait, il y a deux manières de comprendre ce titre. Il y a une première manière qui dit, la question c'est qu'est-ce que la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ? Est-ce que c'est une définition de sélection naturelle ? Moi c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'en fait Darwin, pour expliquer ce que c'est que sélection naturelle, il a dit c'est la préservation, etc. Ou bien deuxième interprétation, l'idée de dire c'est en fait la deuxième moitié explique l'ensemble du titre, c'est-à-dire qu'est-ce que l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, c'est la préservation des races favorisées. Mmh. Oui, c'est légèrement différent au sens où, dans le premier cas, on vous dit la sélection naturelle, c'est un mécanisme de préservation. Dans le deuxième cas, on vous dit l'origine des espèces. Mais en fait, l'origine des espèces, c'est un faux ami, en fait. Bah, surtout qu'en fait, il n'est jamais question de l'origine des espèces. Voilà, c'est un faux ami. C'est-à-dire, en fait, c'est plus qu'un faux ami. On the origin of species. C'est une fausse Français, promesse, même. Ben voilà, ils disent l'origine des espèces. Mais en fait, on n'aurait jamais dû dire ça. Moi, je l'ai repris dans ma traduction parce que c'est le titre reçu et il ne faut pas. Oui. Voilà, si. Mais le vrai sens de ce titre, c'est sur la production des espèces. To originate, en anglais, ce n'est pas dire d'où ça vient. C'est dire comment ça se fait, en fait. C'est ça. C'est causer et produire. Donc, pour ça, le titre est un faux ami et on devrait s'en débarrasser. Bon, enfin, on va le garder le temps de l'émission, voilà. Le temps de cette série, parce que du coup, on a appelé la série quand même l'origine des espèces de Charles Darwin. En fait, en allemand, c'est très clair. Il y a eu deux traductions possibles pour le mot. Entstehung, qui veut dire un mécanisme de production. C'est le premier titre qui a été retenu. Puis un deuxième qui dit Ursprung. Ursprung, c'est la source originelle. Mm. D'où ça vient? Et pour Darwin, il est clair que c'est le mécanisme de production qui correspond à ce qui l'intéresse. Voilà. Comment voulez-vous qu'on procède, Thierry? Okay, parce qu'on va, faut qu'on définisse ce que c'est que la sélection naturelle. Ah, vous avez encore, vous avez pas non, fini. Non, j'ai pas fini sur Spencer, allez-y. En fait, voilà. Et donc, comme personne ne comprend ce que c'est que sélection, ouais. Parce que c'est un terme qui introduit du choix, qui est une analogie avec les pratiques humaines. Les Français comprennent rien, mais Wallace lui-même écrit à Darwin en 1866 en lui disant « Les Français ont raison de ne pas comprendre, sélection crée une analogie trompeuse avec les pratiques humaines. Elle introduit l'idée qu'il y a un choix dans la nature, qu'il y a une sorte d'intelligence dans la nature. Vous devez proposer un autre terme. » Et c'est à partir de là que dans la cinquième édition de 1869, Darwin finit par consentir à dire « Ok, donc je vais appeler ça sélection naturelle ou survie du plus apte ou des plus aptes, survival of the fittest. » Et c'est une expression qui vient de Herbert Spencer. Donc ce n'est pas une expression originale de Darwin et cela pose plein de problèmes. D'abord parce que survie du plus apte, ça n'éclaire en rien. Ça a souvent été considéré comme une tautologie. Qui survit? Les plus aptes. Comment est-ce qu'on reconnaît qui est le plus apte? Ben, c'est ceux qui survivent. Oui. C'est ce qu'on appelle la loi du plus fort aujourd'hui, à tort d'ailleurs. Voilà. C'est pas la même chose. Et surtout, voilà, ça introduit dans le terme, dans la conceptualité darwinienne, quelque chose d'extrêmement éliminatoire en fait et compétitif. Voilà. Alors tout ça, c'est présent, hein, oui, on ne peut pas le nier, dans la première édition, mais ça le renforce et ça va donner, si vous voulez, naissance ou du grain à moudre à tout ce qu'on appellera plus tard le darwinisme social. Mm-hmm. Voilà. Mais on voit que c'est un processus. C'est important de rappeler que ça n'est pas dans l'édition originale, que c'est un ajout tardif lié à des discussions pour la compréhension de ces thèses. Donc il y a beaucoup de malentendus autour de ce texte, y compris, enfin, qui sont aussi suscités par le titre. C'est ça que vous dites, au fond. Oui, voilà. Et les termes sont très importants et la périodicité, la périodisation du raisonnement darwinien est très importante. C'est quelque chose qui s'étend sur des dizaines d'années, voilà. Et Darwin évolue. Et quelle est la bonne version qu'on doit lire? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Darwin? Est-ce que c'est son intuition originale? Est-ce que c'est les dernières formulations qu'il a données à sa thèse après avoir longuement disputé et discuté avec ses contemporains? Vous voyez? Donc, étant donné l'importance de cette théorie, non seulement pour les sciences biologiques en général, mais pour la philosophie dans son ensemble et pour la pensée sociale et politique même, toutes ces nuances-là sont extrêmement importantes. Je précise qu'on a deux émissions ensemble, Thierry. Okay, vous reviendrez demain, ce qui nous laisse beaucoup de temps, parce que le sujet est quand même très, très important, donc je m'en réjouis. Mais expliquez-nous d'abord, avant qu'on commence à définir les concepts qui nous sont utiles pour comprendre le livre de Darwin, votre intérêt pour Darwin, d'où vient-il? Vous l'avez traduit quand même, c'est de nombreuses années, j'imagine. Pourquoi Darwin? Bien, alors, il y a deux choses. Il y a mon intérêt pour Darwin, c'est Quand on fait un peu de philosophie des sciences, qu'on s'intéresse à la biologie, on peut pas passer à côté de ce qui est un des paradigmes centraux de la pensée biologique. Et voilà, donc il faut à un moment, quand on est, moi j'étais jeune philosophe, je me suis dit il faut que je traverse ça. Donc j'ai commencé à travailler dessus, à lire ce livre qui n'est pas facile à lire, qui est parfois pesant, incompréhensible et puis plein de surprises. Par exemple, quand je suis entré, on m'a dit « Ah ben, il y a une différence très importante entre le darwinisme avec la sélection naturelle et le lamarckisme qui laisse une place à l'environnement, etc. » En fait, quand on lit le texte de Darwin, on s'aperçoit qu'il fait une énorme place à l'environnement. Donc, comment comprendre cette différence entre darwinisme et lamarckisme? Voilà, ça, c'est des questions que, en tant que philosophe, on se pose et on se rend compte que les systèmes, c'est souvent, hein, mais les systèmes en isme, darwinisme, lamarckisme, correspondent à des idéalités et que quand on se confronte à la pratique d'un auteur, à son écriture, en vérité, c'est toujours plus complexe. Le marxisme n'est pas la pensée de Marx, ni le freudisme la pensée de Freud, enfin voilà. Ouais. Donc, ça c'est pour votre intérêt. Mon intérêt, voilà. Et ensuite, ayant travaillé sur toutes ces questions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bonne édition, en fait, de l'origine des espèces. Et donc, j'ai été obligé, pour mon propre usage, quoi, presque, de faire une traduction de, moi j'ai choisi, donc la première édition de 1859. C'est ça, que vous avez donc publié, qu'on trouve aux éditions du Seuil, dont on va entendre les extraits ce matin. Justement, par où voulez-vous qu'on commence? Est-ce qu'on procède de manière chronologique, chapitre 3? Les deux premiers chapitres sont plus techniques, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je pense que c'est plus intéressant de commencer soit par la lutte pour l'existence, soit par la sélection naturelle. Qu'est-ce que vous choisissez? Allons-y pour la sélection. Alors, la sélection naturelle, voici donc comment Darwin définit la sélection naturelle. C'est donc dans le chapitre numéro 4. Dans une autre traduction, on appelle ça donc sélection naturelle ou survie du plus apte. Dans le texte, vous allez entendre, vous allez voir comment lui-même propose une définition qui peut paraître surprenante. Du fait de la lutte pour la vie, toute variation, aussi légère soit-elle et de quelque cause qu'elle procède, si elle est en quelque degré profitable à un individu d'une espèce, dans ses rapports infiniment complexes aux autres êtres organiques et à la nature externe, tendra à la préservation de cet individu, et sera généralement hérité par ses rejetons. Les rejetons, de même, auront ainsi une meilleure chance de survie, car parmi les nombreux individus d'une espèce donnée qui naissent périodiquement, seul un petit nombre peut survivre. Ce principe, par lequel chaque variation légère, si elle est utile, est préservée, je l'ai désigné par le terme de « sélection naturelle », de manière à marquer son rapport au pouvoir de sélection proprement humain. L'homme, au moyen de la sélection, peut assurément produire de grands résultats et adapter les êtres organiques à ses propres usages, à travers l'accumulation de variations légères mais utiles qui lui sont données par la main de la nature. Mais la sélection naturelle, c'est un pouvoir sans cesse prêt à l'action et incommensurablement supérieur aux chétifs efforts de l'homme, autant que les œuvres de la nature le sont à celles de l'art. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Darwin cette semaine, de l'origine des espèces que nous lisons chapitre après chapitre, aujourd'hui en compagnie de Thierry Hoquet, philosophe qui enseigne à Nanterre et qui a proposé une traduction de l'origine des espèces que vous venez d'entendre, interprétée par Vincent Schmitt. La définition de la sélection naturelle se trouve non pas au chapitre 4, comme je l'ai annoncé, chapitre 4 s'intitule sélection naturelle, mais dans le chapitre 3, le précédent, lutte pour l'existence. J'imagine que ça induit une différence, le fait que ce soit pas dans le chapitre 4, Thierry Hoquet. En fait, depuis le début, depuis le chapitre 1, il n'arrête pas de revenir sur sélection, et, ouais, et d'essayer de voir un peu ce qui va être, voilà, c'est le terminus ad quem, hein, là où on va. Ce chapitre 4, en effet, c'est le cœur vibrant, hein, de l'origine des espèces, mais effectivement, il y a plusieurs esquisses de définition, plusieurs préparations, et celle qu'on vient de lire, là, oui, c'est... Voilà, c'est très clair par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, allez-y, je l'ai désigné par le terme de sélection naturelle. Ce principe écrit, ouais, par lequel chaque variation légère, si elle est utile, est préservée, je l'ai désigné par le terme de sélection naturelle, et un peu plus tôt, la préservation de cet individu. Donc on voit bien ici comment sélection naturelle, c'est en permanence glosé par le terme de la préservation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mécanisme en fait qui fonctionne presque comme un crible dans la nature, cette idée que il y a une surproduction d'individus, il y a beaucoup trop d'individus qui arrivent à l'existence et un certain nombre d'entre eux va être préservé. Évidemment, l'autre face de cela, c'est que un certain nombre d'entre eux va être éliminé. Donc ça c'est l'aspect effectivement qu'on appelle la sélection de mortalité, hein. Le fait que il y en a qui se maintiennent et il y en a qui ne se maintiennent pas. Voilà. Donc ça c'est l'aspect vraiment noir de la sélection. Et le deuxième aspect, c'est celui qui est suggéré par le fait que le terme de sélection naturelle, Darwin l'explique, de manière à marquer son rapport au pouvoir de sélection proprement humain. Donc ici, on a un deuxième aspect, c'est l'aspect analogie, un peu. Mm-hmm. D'accord. Ce qui n'est pas encore complètement expliqué ici, c'est ce qui viendra uniquement au chapitre 4 et que Darwin appelle la sélection sexuelle, cette fois. Et donc là, cette fois, ce sont des mécanismes par lesquels certains individus sont conduits à produire plus de rejetons que les autres. Donc plus de rejetons que les autres. Et à ce moment-là, on a véritablement un aspect, là, cette fois, dynamique et productif. C'est pas juste simplement qu'il y en a qui sont bloqués par le crible et d'autres qui passent. C'est également que dans la multiplication, dans les choix de partenaires, dans la reproduction, il y en a qui sont favorisés. Donc là, cette fois, on a quelque chose de plus, comment dire, de plus créatif, de plus productif. Donc tout ça, ça s'enchevêtre dans l'image darwinienne. Au 19e siècle, comme je l'ai dit, on n'avait pas de mot pour dire sélection, sélectionner, etc. Donc on disait choisir. Voyez, c'était ça le terme le mieux qu'on avait trouvé. La première traductrice de Darwin en français, Clémence Royer, parlait de élection naturelle. Alors ça a été extrêmement critiqué parce que ça semblait introduire une sorte d'intelligence dans la nature, mais de fait, je dirais, la métaphore de la sélection naturelle, c'est la métaphore d'un choix, d'une nature qui choisit. Mais d'où le problème, effectivement, parce qu'on a l'impression qu'il y a une intention. Voilà. Qui sélectionne le fait intentionnellement. Or, si on fait à Darwin ce procès, c'est celui de l'anthropomorphisme, comme si la nature elle-même suivait un but, au fond. Alors, justement, donc, Darwin doit expliquer qu'il s'agit d'une sélection aveugle. Mais ce qu'il veut dire par cette sélection, c'est l'idée qu'il y a un principe extrêmement puissant et infiniment plus puissant que toutes les entreprises humaines et que ce principe scrute en permanence les différences entre les individus. Et que donc, quelque chose qui paraît absolument insignifiant va faire une différence. Alors par exemple, prenons un exemple. Eh bien, par exemple, le fait d'avoir le bec un millimètre plus long que son voisin. Pour un oiseau. Pour un oiseau. Ou la trompe un peu plus profonde. Voilà. Ça, c'est un accident. Pour un papillon. C'est un oiseau naît avec un bec un petit peu plus long que ce que son espèce prévoit, c'est ça? Et bah, de cet accident, l'espèce ne prévoit rien, attention. Voilà. L'espèce ne prévoit rien. Non, mais voilà, disons qu'il y a une variabilité dans chaque espèce. C'est-à-dire qu'en fait, l'espèce ne correspond pas à un type qui serait donné une fois pour toutes. Et comme on voit dans les livres d'enfants, vous voyez, on ouvre la page, le tigre, on a l'image du tigre, on tourne, l'éléphant, la tortue. Bon, voilà. Et donc, on a l'image d'Épinal, comme ça, de chacun correspondant à son type. Et puis, si on rajoute les fables de l'Arche de Noé, on a le mâle et la femelle, chacun correspondant à son type. Et ça. Bon, mais en fait, dans la nature, c'est pas comme ça. Il y a une variabilité. Et il y a parfois une variabilité très grande. Et quand il s'agit du mâle et de la femelle, il y a même un dimorphisme qui peut exister entre les formes qui est très grand. Et du fait que, si bien que, à la fin, on ne sait plus qui appartient à la même espèce, quoi. Il faut les voir se comporter pour savoir qu'ils, morphologiquement, la forme ne suffit pas à définir l'espèce. Donc, il n'y a pas de norme de l'espèce. Parce que si on parle de variation, on imagine qu'il y a un étalon au premier à partir duquel on peut dire qu'il y a variation, il y a. Alors, effectivement, ça, c'est la conception, on va dire, modéré de la variation, c'est-à-dire il y a un type et puis il y a des petits écarts qui sont permis par rapport à ce type. C'est la conception qui fait de la variation un écart rémissible, un peu un petit accident qu'on peut pardonner provisoirement. mais on revient toujours au centre. Et beaucoup de contemporains de Darwin sont convaincus que la variation, c'est ça. C'est il y a une sphère de variation avec un centre, et puis on peut s'écarter un petit peu du centre, mais pas trop. Et Darwin, lui, a un concept complètement différent de la variation. C'est la différence individuelle qui, accumulée, peut produire une différence. Donc, il faut bien imaginer que des variations, il en existe de différentes ampleurs. Donc, nous avons des variations monstrueuses, des grands écarts, ce qu'il appellera des sports. C'est où on a aussi des rogues, roguing, les rogues comme dans les X-Men, vous voyez, les individus qui s'écartent vraiment de la norme. On a tout ça qui est présent dans la terminologie même de Darwin, mais il y a aussi des variations infinitésimales. Et paradoxalement, ce sont celles-ci qui intéressent davantage Darwin. Le modèle qui est parfois utilisé, qu'il emprunte au géologue Charles Lyell, son contemporain et ami, collègue, c'est celui qu'on appelle l'uniformitarisme, c'est-à-dire que les grands changements sont produits par de toutes petites causes et leur accumulation. Donc, l'exemple type de cela, c'est, vous imaginez une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Il n'y a aucun effet qui est produit par la goutte d'eau sur la pierre. Mais laissez cette goutte d'eau, ces gouttes d'eau tomber pendant des siècles et la pierre sera creusée. Voilà. Donc il y a un pouvoir des causes infinitésimales à produire des effets visibles et majeurs. Voilà. C'est ce que disait Leibniz un siècle plus tôt. Oui, voilà. Donc là, c'est, disons, c'est une variation, mais qui doit être, il y a cette idée d'accumulation de la variation. Qui est importante ici. C'est-à-dire, il faut quelque chose qui aille dans une certaine direction. Alors, cette direction, c'est quoi ? Cette direction, eh bien, elle change en fonction des circonstances. Voilà. Il y a des choses qui sont utiles et des choses qui ne le sont pas. Il y a des choses qui ont été utiles et qui ne le sont plus. Voilà. Alors donc, ça, c'est très important ce que vous dites sur les circonstances. Ça veut dire que ces lois ne sont pas uniquement celles qui vont déterminer comment tel individu ou tel animal va naître, au fond. Vous avez pris l'exemple du bec qui était un peu plus long d'un millimètre que celui de son voisin. Mmh. Il y a aussi une influence du climat, de l'environnement sur l'individu, enfin l'animal lui-même. Alors, vous voyez qu'on est sur des concepts très difficiles à définir et des nuances qui sont très fines. C'est-à-dire ici, j'ai parlé, moi, de direction. Vous parlez de loi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces directions ne sont jamais intangibles, en fait. Elles sont pas données une fois pour toutes. Ce ne sont pas des finalités qui sont préétablies. De la même manière, il n'y a pas des lois qui s'appliqueraient de manière, dont les résultats seraient prédictibles, prévisibles. Il n'y a pas de déterminisme ? Alors, il y a du déterminisme, mais c'est pas un déterminisme qui conduit de manière prévisible. Voilà, il y a pas la prévision est extrêmement difficile parce qu'il y a il y a quand même toujours un élément de contingence en fait. C'est ça qu'il faut dire, je crois, pour résoudre notre problème. Darwin, dans une page, expliquer la chute d'une plume soumise aux lois de la gravité. C'est difficile à prévoir, de savoir, vous lâchez une plume, savoir où elle va tomber, c'est difficile, d'accord ? Mais il dit que ce problème est infiniment simple comparé à la question de la formation d'une plume. Vous voyez ? Donc en fait, et c'est ça qu'on voit très bien sur le diagramme de Darwin, qui est le cœur du chapitre 4 et qui montre justement comment, à chaque génération, il y a une variabilité qui est produite. Il y a ce qu'il appelle des petits éventails de formes qui apparaissent. Et puis, en général, c'est les formes les plus éloignées qui se maintiennent parce qu'elles se font moins concurrence, mais pas toujours. Et il y a comme ça une fondamentale asymétrie qui fait que la prévisibilité ne va pas de soi. Alors, l'arbre de la vie, on peut en dire deux mots, hein, c'est, on a comme des points de départ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, et finalement, on a des branches qui se dessinent, donc c'est pour ça qu'on peut prendre l'image d'un arbre. Et ce qu'on voit, on peut penser à une sorte d'arbre généalogique, mais dont beaucoup d'embranchements ne donneraient rien, ne produiraient pas eux-mêmes une descendance. Et Darwin se sert de cet exemple-là pour montrer ce qu'on disait en début d'émission, justement, qu'il y a aussi de la destruction pour permettre la régénération ou la production. Et cette image-là a quelque chose à la fois de presque synthétique de ce qu'il dit, et en même temps de presque trop simpliste aussi. Donc comment est-ce qu'il faut accorder de l'importance à cette image? Alors, quand on la regarde de près, elle n'est pas du tout simpliste en fait. Moi j'ai comparé justement avec des images contemporaines qu'on trouve notamment chez les linguistes, d'arbres, etc., qui sont extrêmement symétriques. Donc en fait, ce qui frappe ici, c'est d'abord, effectivement, ça n'est pas un arbre au sens strict tel qu'on le trouvera plus tard chez Haeckel, etc. C'est un diagramme. Et parmi ces diagrammes, il est extrêmement asymétrique. Et il est frappant par son asymétrie. Donc il n'est pas simpliste au sens où, vraiment, on voit que Darwin s'est efforcé de mettre de l'imprévisibilité partout dans son c'est diagramme. Ça. On le trouve au milieu du chapitre 4, hein, je précise, pour ceux qui veulent le regarder. Voilà. Et ce diagramme-là, effectivement, comme vous l'avez très bien rappelé, partout où il y a du blanc, ce sont des lignées qui s'interrompent, c'est donc de la mort en fait qui est présente. Hein. Donc c'est un linceul, voilà. Et donc ça c'est très important. On voit, premier point, la divergence, le buissonnement. Hein. Ça s'écarte de plus en plus. Ça c'est quelque chose qui est très important pour Darwin. Ça s'écarte de quoi? Les formes s'écartent, ont tendance à s'écarter les unes des autres. C'est-à-dire à pas se reproduire à l'identique. Non, elles se, au sens où leur quantité de différence tend à s'accroître. Voilà. Donc effectivement, c'est ça la divergence. Deux formes qui sont très semblables à un moment, ben, au bout d'un certain nombre de générations, vont se trouver très éloignées au point, par exemple, de pouvoir être classées dans des genres très différents. Mmh. Voilà. Donc je donne un exemple. On parle souvent des pinsons de Darwin. Alors, je peux juste expliquer ce que c'est. On pourrait penser que... Première interprétation, Darwin a trouvé des pinsons d'espèces différentes sur différentes îles et en fait il va se dire ah mais non en fait ce ne sont pas différentes espèces mais ce sont différentes variétés de la même espèce. Bon c'est pas ça en fait, c'est encore pire que ça. Ce qui s'est passé c'est que Darwin a trouvé des pinsons qui étaient tellement différents d'île en île que en réalité il voulait les classer dans des genres différents. Donc les genres c'est la catégorie qui est au-dessus de l'espèce, c'est un genre ça regroupe différentes espèces. Donc, il voulait les classer dans des genres différents, tellement ils étaient différents. Et ce n'est que retourné à Londres et grâce à l'expertise de son collègue ornithologiste Gould, qu'en fait, il va comprendre que non, en fait, ces formes extrêmement différentes n'appartenaient pas à des genres différents, mais à un seul genre et quelques, disons, genres collatéraux, sous-genres voisins, quoi, voilà. Mais donc, et c'est le même problème avec les formes domestiques. Mmh. Ce qu'on appelle les races domestiques aujourd'hui, hein, les différentes variétés de chiens, par exemple, ou etc., eh bien, elles ont des caractères dont Darwin nous dit que si quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est les voyait et on les lui présentait comme des différences naturelles, des formes naturelles, il les rangerait dans des genres différents. Donc on voit ici le principe de divergence en acte. C'est-à-dire, quand on voit avec nos yeux inexpérimentés les formes, elles sont tellement différentes qu'on va être tenté de les ranger dans des familles différentes, dans des classes complètement différentes. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des espèces, des variétés dans une même famille, dans un même genre. Est-ce que c'est trop en faire que de voir chez Darwin quelque chose comme le précurseur de la pensée queer ? Alors, il y a une petite formule dans une lettre à Huxley où il parle de son... queer diagramme. À propos de l'arbre de la vie, nous parlons. À propos de cet arbre de la vie, il dit, c'est un diagramme donc étrange, voilà. Et de fait, c'est quelque chose d'assez étrange, c'est la seule illustration. Est-ce que c'est de la pensée queer? Je sais pas, mais en tout cas, il y a ce processus. Au sens, il y a une remise en question du genre comme norme, en fait. Alors oui, c'est le genre au sens, c'est pas gender, hein, c'est genus. Donc c'est le genre comme catégorie classificatoire et taxinomique. Mais effectivement, il y a une réflexion sur la variation et la norme, mmh. ou la variation et la vérité de la norme, en fait. C'est-à-dire, la norme est toujours contingente, historiquement variable, etc. Est-ce qu'on prend un exemple? Allons-y. Un cas particulier, par exemple, parce qu'on parle de sélection naturelle, il y a aussi chez Darwin, et on va voir le lien qui est entre les deux, l'importance accordée à la sélection dite sexuelle. Et c'est pas exactement la même chose. Voici un exemple de sélection sexuelle chez le coq. Notre coq gaulois doit sa fière allure à son ancêtre asiatique, le coq sauvage de Banquivien. Il y a plus de 5000 ans que les hommes apprécient son chant puissant et son plumage chatoyant. Pour séduire sa partenaire, il lui offre une petite démonstration de danse. mais le coq dominant supporte mal les amours des autres. Les poules pondent en moyenne plus d'une centaine d'œufs par an, d'autant plus si elles améliorent leur ordinaire avec les produits de leur chasse. La poule couveuse sait d'instinct que les œufs ne doivent pas refroidir pour que l'embryon devienne poussin à l'issue des 3 semaines de couvaison. Elle déteste être dérangée. Pendant que les couveuses montent la garde, le coq visite ponctuellement ses 3 ou 4 autres femelles. Il transmettra aux poulettes de sa descendance les qualités de sa propre mère. Alors après avoir défini la sélection naturelle, Darwin va être confronté à un problème parce qu'il va observer que certains caractères présents chez les mâles sont exagérés, parfois même défavorables du point de vue de la sélection naturelle et vont même jusqu'à réduire leur possibilité de survie. Donc il se pose la question, pourquoi est-ce que des caractéristiques qui vont réduire, en tout cas en apparence, l'aptitude à survivre et à se reproduire, n'ont pas été éliminées par la sélection naturelle? Et là, il introduit un autre concept, qui est celui de sélection sexuelle, en clair. Le coq que l'on vient d'entendre est paré de certains atouts qui ne paraissent pas indispensables à sa survie, mais qui pourtant sont exactement ce qui va faire que la femelle va être attirée par lui et donc se reproduire. C'est un critère supplémentaire, Thierry Hoquet. Alors, d'abord, merci pour ce moment d'histoire naturelle. Parce que c'est Nicolas Berger qui l'a trouvé. C'est un documentaire de Laurent Charbonnier, figurez-vous, avec la voix de Claude Riche. Ouais, c'est très important, effectivement, de se plonger dans la basse-cour, parce qu'il s'y passe énormément de choses, pas d'ailleurs depuis Darwin, mais même si on lit les textes de Hobbes, Locke ou Rousseau, il est toujours question de savoir si l'être humain, notamment, doit tirer des leçons de ce qui se passe dans la basse-cour, et notamment de cet exemple que vous venez de décrire, par la voix de Claude Riche, du coq et de ses poulettes. Donc, qu'est-ce qu'on tire de cela? Et pour Darwin, le premier truc, en effet, c'est que il y a effectivement ces caractères coûteux qui relèvent de la sélection sexuelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette sélection sexuelle? Darwin explique que c'est une sélection qui est moins rigoureuse que la sélection naturelle, au sens où elle ne conduit pas à l'élimination versus préservation, mais qu'elle conduit à un succès reproducteur plus grand. Et dans cette sélection sexuelle, ce qui complique encore la donne, c'est que il y a 2 aspects en fait. Un aspect qui est lié à la lutte entre les mâles, qui va conduire à l'émergence de caractères offensifs ou défensifs, des becs, des ergots, des bois, etc. Et puis, d'autre part, des caractères qu'on va dire plutôt esthétiques, qui sont liés cette fois non pas à la rivalité entre mâles, mais au choix de la femelle, au choix exercé par les femelles, en fonction de quels critères, c'est assez compliqué, mais on parle en général, disons, d'un très problématique sens esthétique des animaux, sens esthétique des femelles ici. Donc ça c'est très compliqué, d'ailleurs c'est tellement compliqué que le célèbre Wallace, lui, n'acceptera pas du tout cette affaire-là. Donc Wallace, contemporain de Darwin, qui aurait écrit, alors que Darwin s'attelait à son origine des espèces, la même thèse, mais en une 20aine de pages seulement. Oui, alors ça, voilà, bon, c'est la légende, enfin c'est la légende, c'est la vérité, mais disons que Darwin s'est sans doute exagéré la proximité entre lui et Wallace. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois, parce que plus ça va, plus on voit de différence entre Darwin et Wallace. Je note simplement 2 points ici, mais Darwin s'appuie sur les variations domestiques, les pigeons, les coqs, etc. Wallace considère que ce sont des monstruosités, ça ne l'intéresse pas du tout, le monde domestique. Et puis, deuxièmement, sur la sélection sexuelle, Darwin fait une place à cette sélection esthétique, on va dire, alors que Wallace, lui, rejette cela en disant « il n'y a que l'utilité qui compte, il n'y a que la préservation ». Donc Il y a quelques différences entre les deux. Il y a des différences importantes. Alors, on revient sur cette sélection sexuelle. Elle, son statut par rapport à celui de la sélection naturelle dont on essaye d'éclairer le sens ce matin n'est pas si clair que ça. D'abord, c'est une section qui apparaît dès 1859 dans le chapitre 4 sur la sélection naturelle. Donc, on peut penser qu'effectivement, c'est une des composantes de la sélection naturelle. Et c'est comme ça qu'on l'entend aujourd'hui, que la biologie contemporaine l'entend. C'est-à-dire, effectivement, la sélection sexuelle, c'est-à-dire le succès reproducteur différentiel des individus, que les uns se reproduisent plus que d'autres. C'est ça la clé de la sélection naturelle, finalement. Et non pas l'élimination, etc. Donc ça, c'est ce qui va dans le sens d'une, disons, d'une fusion entre sélection naturelle et sélection sexuelle. En vérité, chez Darwin, c'est pas si clair que ça. D'abord parce qu'il emploie deux mots, sélection naturelle et sélection sexuelle. Ensuite, parce que effectivement, comme vous l'avez indiqué dans votre présentation, il y a une sorte de contradiction entre certains caractères développés par la sélection sexuelle et qui semblent, disons, être des obstacles à la préservation. L'exemple le plus souvent cité, c'est bien sûr la traîne du paon, le mâle, voilà. Donc on ne sait pas à quoi sert cette queue gigantesque, c'est ça? À part à séduire les femelles, peut-être, voilà. Mais évidemment, s'envoler, échapper à des prédateurs, se cacher, quand on a une traîne de cette longueur, eh bien c'est moins facile. De la même manière, trouver des ressources pour construire cette queue du paon, eh bien c'est coûteux. Donc voilà. Alors ça veut dire que le beau aurait une utilité. Eh ben voilà. Ça serait ça la conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est l'interprétation si vous voulez ou à la sienne de l'affaire. Il n'y a pas d'esthétique là-dedans. Le mâle qui est capable de survivre et de trouver les ressources pour construire une queue aussi coûteuse, c'est forcément le meilleur de tous. Voilà, il a le plus de ressources, etc. Donc, la femelle ne préférerait pas le beau, mais elle préférerait l'utile, en fait. Vous voyez. Donc, il y a tous ces concepts-là. Mais ça peut s'appliquer à l'homme? Alors, est-ce que notre goût pour le beau est aussi guidé par un instinct de survie? Vous dites ça pour me piquer, mais... Non, je me pose vraiment la question, même si je sais que Darwin garde le cas humain pour plus tard. Hein. Pour plus tard. Mais de fait, dans les darwiniens contemporains, il y en a qui vont jusque-là. Moi, bien sûr, j'y suis plutôt rétif. Hein, voilà. Mais en gros, qu'est-ce que c'est cette théorie? C'est la théorie qui va dire que les mâles recherchent la fécondité chez leurs femelles, alors que les femelles recherchent les ressources chez leurs mâles. Et donc, c'est la théorie qui fait que un vieux riche peut ça sortir avec genré, une oui. jeune poulette, alors que la jeune poulette va préférer le vieux coq riche. Voilà. Parce que, voilà, c'est cette dynamique-là. Bon, alors, évidemment, vous comprenez bien que ce schéma-là, il est intéressant. Enfin, il est amusant, stimulant, écœurant, ce que vous voulez. Mais, qu'il a du mal à épuiser l'ensemble des amours humaines. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, Non, mais c'est intéressant d'essayer de voir comment notre goût pour les belles choses pourrait en fait être le résultat d'une certaine pulsion, je ne sais pas comment le dire, qui nous encouragerait à nous reproduire. Est-ce qu'on va au musée finalement pour nous stimuler? Alors le goût pour les belles choses, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, il y a des interprétations assez amusantes qui ont été développées notamment par Stephen Jay Gould sur ce que nous avons tendance à trouver mignon. Alors, il analyse ça à partir de la figure de Mickey Mouse, la souris de Walt Disney, puisque en fait, ce qu'il montre, c'est que les premières images de Mickey avait une tête plus allongée, un peu comme un rat, et que plus le dessin a évolué, plus la tête de Mickey s'est arrondie, en fait, pour former quelque chose qui correspond au pattern, au schéma de tout ce qu'on trouve mignon par excellence, c'est-à-dire les petites tortues, les petits chatons, les petits chiots, tout ce qu'on trouve mignon. Et en fait, il dit, ces choses-là que nous fondons devant ces images, pourquoi? Pourquoi toutes ces choses-là se ressemblent, ont la tête ronde? Parce que c'est la tête de nos bébés. Et donc, il explique que si des individus n'ont pas trouvé leur bébé mignon, leur bébé émouvant, n'ont pas craqué devant ces petites choses rondes, eh bien, ils ne se sont pas reproduits. Leur descendance s'est éteinte puisqu'ils n'ont pas pris soin de leur bébé. Et donc, seuls les individus qui prenaient soin de leur bébé parce qu'ils trouvaient ça mignon, parce qu'ils étaient bouleversés quand ils les voyaient, voilà, ont produit une descendance qui a pu survivre grâce aux soins qu'on donnait justement à cette descendance. Et donc, leurs gènes se sont transmis et voilà, nous en sommes les héritiers en quelque sorte. Donc, ce que nous trouvons mignon, il y a cette idée-là, correspond à, en quelque sorte, une sélection évolutive pour le mignon, que vous pouvez étendre peut-être dans certaines mesures, je vous laisse divaguer à partir de là, mais une sélection pour le mignon qui serait liée à un critère d'utilité tout à fait primaire, voilà, enfin primordial. Mais est-ce que ça veut dire que l'évolution, faut quand même prononcer ce terme, dont on a dit hier qu'il ne figurait qu'à la fin du texte de Darwin et dans une édition ultérieure, si j'ai bien compris, le mot d'évolution, l'évolution elle-même, si elle n'est pas déterminée, ça on l'a dit, en tout cas prédéterminée, si elle ne suit pas un but, si elle est le fait de variations qui elles-mêmes peuvent être dues au hasard, vous avez employé le terme de contingence, que l'évolution peut aller n'importe où, dans n'importe quel sens. Vous parliez d'X-Men tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que l'évolution pourrait donner lieu à des mutants? Ou est-ce que nous sommes tous des mutants d'ailleurs? Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là, au sens où, finalement, la norme de l'espèce n'est préinscrite nulle part, et même pour Darwin, la définition même de ce que c'est une espèce n'est pas claire. C'est-à-dire, il refuse de donner une définition de l'espèce, et ça va susciter... Mais alors, c'est vraiment un mauvais titre qu'il a choisi. La colère et la stupide. Mais non, parce que si vous dites que l'origine des espèces, ça veut dire la manière dont ces choses qu'on appelle espèces se sont formées. Ouais. C'est la production de ces choses qu'on appelle espèces. C'est voilà. Ça qui aurait dû être le titre. Ouais. Oui. Donc, c'est pas d'où viennent les espèces, en fait. Et pour Darwin, il est clair qu'il n'y a pas de statut particulier à ces choses qu'on appelle espèces. Enfin. Alors, c'est compliqué. Par exemple, Buffon avait donné une définition très simple de l'espèce en disant on va identifier deux espèces en regardant qui peut se reproduire ensemble et produire une descendance féconde. Ce qui explique que l'âne et le cheval ne sont pas une même espèce parce qu'ils produisent certes ensemble des mulets, mais ces mulets sont stériles. Donc, fin de l'histoire. En revanche, les chiens qui sont très différents produisent ensemble des bâtards qui sont féconds. Et donc, même si le chihuahua et le grand danois sont extrêmement divers, finalement, c'est la même espèce parce que c'est une communauté reproductive. C'est ça le critère. C'est ça le critère de Buffon. C'est celui qu'on appelle aujourd'hui le concept biologique de l'espèce, fondé non pas sur la ressemblance entre les individus, mais sur leur capacité à produire des descendants féconds entre eux. Voilà. Eh bien, Darwin rejette ce critère, en tout cas ne le donne pas comme définition de l'espèce. Pourquoi ? Parce qu'il dit, en fait, ce qu'il refuse, c'est qu'on essentialise l'espèce, qu'on en fasse quelque chose qui aurait un statut ontologique différent, voilà, qui serait prédonné. Pour lui, les espèces, les variétés sont les espèces commensantes. Donc, ce n'est que par un processus de différenciation progressive que les espèces émergent, sont produites justement. Et donc, il n'y a pas des espèces qui sont prédonnées comme ça et qui s'écarteraient. Non, il y a des formes qui divergent et qui finissent par ne plus se ressembler et par ne plus pouvoir peut-être se reproduire ensemble. Mais cela, c'est le résultat d'une histoire. Voilà. Et ça n'est pas du tout... le concept d'espèce n'est pas appuyé sur une essence, sur quelque chose de fermé sur soi. Et notamment, voilà... En général, les espèces ne se reproduisent pas entre elles, mais il arrive que certaines sous-espèces puissent se croiser entre deux espèces différentes. Voyez, donc la nature n'accepte pas les divisions claires et distinctes, en fait. La nature, c'est confus. Voilà. Donc, il y a des processus de divergence, mais il y a toujours des exceptions, des choses compliquées. Et ça, c'est vraiment ce que Darwin apporte. Voilà. À l'histoire scientifique et intellectuelle, non ? Oui, à l'histoire naturelle, c'est ouais. Ça, c'est-à-dire le fait que pour nous, les gens qui ne connaissent rien, en fait, qui ne connaissons rien, eh bien, nous avons l'impression, effectivement, qu'il y a des espèces, comme dans les livres d'images pour enfants. Mais ce qu'explique le biologiste, c'est que dans la réalité, vu que l'espèce, c'est pas quelque chose qui a été créé une fois pour toutes, mais que c'est quelque chose qui se démêle progressivement d'une confusion initiale, si vous voulez, eh bien, il y a toujours de la différence, il y a toujours des cas particuliers, de la confusion, des frontières qui sont pas si claires que ce qu'on pourrait attendre ou espérer. Et du coup, plus on est savant en histoire naturelle, plus on accepte cette conclusion facilement. Les biologistes de son époque, les botanistes en particulier, ne savent pas combien il y a, par exemple, d'espèces de chênes en Angleterre, par exemple. Vous voyez ? Donc pour nous, l'arbre. Oui, l'arbre chêne. Pour nous, il y a le chêne qui produit des glands et qui a les feuilles. Là, là. Bon, pour les botanistes, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a 50 espèces de chênes, 200 espèces de chênes ? Vous voyez ? Donc, est-ce que cette espèce-là, que moi j'identifie comme espèce, mon collègue va l'identifier comme une variété de l'autre espèce ? Donc, comment est-ce qu'on fait la différence ? Donc, plus on connaît l'histoire naturelle, moins on peut être catégorique sur ce qui forme espèce. C'est-à-dire, plus on s'écarte de ce qu'on connaît bien ou qu'on a l'impression de mieux connaître, c'est-à-dire les grands mammifères symboliques, là, bien représentés, bien... Voilà. Plus on va s'éloigner de là, plus on va aller vers, justement, les petits animaux microscopiques, les plantes, plus on va être confronté à une diversité qui est impossible à ranger dans des petites boîtes bien délimitées. Et ça s'applique, j'imagine, aussi à un terme qu'on n'a pas encore employé, mais qui était dans le titre initial, au terme de race. Alors, le terme de race, il est compliqué, en effet. Darwin l'emploie assez peu, finalement. Même si dans certaines traductions on utilise race en français pour traduire un autre mot anglais qui est le mot de breed. Breed, ce sont les, alors ce qu'on appelle en français les races domestiques, hein, donc c'est légitime de le traduire comme ça. Moi j'ai évité ce terme, j'ai parlé de produit, hein, pour dire, en fait, on va essayer de, d'éviter que le mot race, là, de pas le mettre, de pas le, le fourrer partout dans Darwin, il y est assez, ouais. comme ça. Mais en fait, les races, effectivement, ça va être quoi? Ça va être des diversités au sein d'une espèce, peut-être. Voilà, en tout cas, dans notre espèce, quand on parle de race humaine, c'est pour marquer le fait qu'il y a des différences marquées entre certains caractères. Merci Thierry Hoquet, merci pour cette discussion ce matin, c'est déjà fini, mais on se retrouve demain, c'est la bonne nouvelle, et le programme sera encore plus chargé, j'imagine, parce qu'on a déjà posé plein de choses, mais il y a beaucoup de choses, on n'a pas encore parlé de la lutte pour l'existence, on n'a peut-être pas dit le fin mot de la sélection naturelle, et puis on aura d'autres choses à se dire aussi, j'imagine. Vous revenez, hein? Ah ben, absolument. Je compte sur vous. Bon, ben, en tout cas, je rappelle, vous avez traduit l'origine des espèces de Darwin, on met votre bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie, et donc on continue la discussion demain, on se quitte avec la survie du plus apte, Survival of the Fittest, c'est Mobb Deep qui le chante. Yeah. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks. In my part of town, it's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready, trying to back me and get rock steady. By the Mac one double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. And all unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar, so they will never forget me. Lord, forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goal's to stay alive. Survival of the fit, only the strong survive. Yo, yo, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still we survive. Live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still we live survive. In this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. Still we survive. Live in this till the day that we die. I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that, as long as fiends smoke crack, I'll be on the block hustling, counting my stacks. No doubt, watching my back and proceed with caution. 5-0 working, no time to get lost in. The system niggas using fake names to get out quick. My brother did it and got back with 2 ounces. I live with one with scores, hit the block hard. That's my man Twin when he got bagged. That fucked me up, God. But shit happens for a reason. You find out who's your true friend when you're upstate bleeding. You can't find a shorty to troop your bed with you. Hit with a 2-4 is difficult. While on the streets, I try to. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? Vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question du jour ce matin, la voici. Est-ce que les concepts de gauche et de droite ont encore une quelconque valeur politique? Eh bien, c'est une question que je me suis posée devant un grand immeuble moche. Comme quoi, un grand immeuble moche recouvert de carrelage orange entre la salle de bain des années 70 et le barbecue en briques réfractaires. Alors, étrangement, c'est l'ancien siège parisien du PCF, avant celui bien connu de Niemeyer. Et dessus, l'autre jour, il y avait une grande publicité contre la libéralisation du secteur de l'électricité, avec un enfant et un slogan assez agressif du genre « Comment vous lui expliquerez plus tard que vous avez privatisé l'électricité ?» Mais le problème de cette affiche, c'est surtout qu'on n'arrivait pas du tout à lire en bas qui était à l'origine, peut-être parce que j'avais pas mes lunettes. En tout cas, ça aurait tout aussi bien pu être la CGT, le lieu y prêtait, que le parti souverainiste d'un Montebourg ou d'un Asselineau. En soi, elle était là, l'information, dans le caractère politiquement indécidable de cette image. Je me suis alors souvenu des travaux de l'historien François Jarige sur les rapports entre énergie et politique et de cet enthousiasme contre-intuitif des anarchistes de la fin du 19e siècle pour le courant électrique qu'ils comptaient résolument jouer contre le monopole du charbon. Le couple croissance-décroissance, on l'a beaucoup répété, serait aujourd'hui plus pertinent que le dualisme droite-gauche. Oui, donc vous voulez dire que ce n'est pas les concepts de droite et de gauche qui sont aujourd'hui clivants, c'est le rapport à l'énergie qui serait le nouveau clivage. Oui, et par exemple, on le voit avec les pro-nucléaires qui sont devenus une des communautés les plus actives sur les réseaux, une communauté presque transpartisane, tandis que la mouvance zadiste, qu'on serait tenté de leur opposer, est aussi transpartisane à sa manière, traditionnaliste dans sa défense des terroirs et progressiste dans sa défense du commun et de l'autodétermination. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est l'apparition autour de Fessenheim du mythe de la centrale martyre. Et on se demande si on ne verra pas, in fine, l'apparition de deux ZAD simultanées dans l'est de la France, l'une à Bure, contre le site d'enfouissement des déchets radioactifs, et l'autre à Fessenheim, contre la fermeture de la centrale. Un jour, des pronuques, lecteurs de Kropotkin, envahiront peut-être le Larzac pour y assembler des réacteurs artisanaux, tandis que des groupuscules industriels feront sauter des barrages ou brûleront des éoliennes. C'est dans ce clivage un peu paradoxal, et que j'exagère un peu, qu'est apparu Jean-Marc Jancovici, le seul intellectuel qui arrive à parler encore aux deux camps, avec une thèse célèbre et radicale, celle des esclaves équivalents pétrole. L'énergie presque gratuite du pétrole aurait démultiplié nos forces. Nous vivons, grâce au pétrole, dans un environnement qui tient du harem oriental ou du palais romain. Et comme Marx utilisait la grande propriété latifundière comme un élément clé de sa démonstration, Jancovici jette ses esclaves équivalents pétrole à l'assaut du marxisme dont il triomphe facilement. Quelle lutte des classes, quelle plus-value, quel capital, rien de tout cela, du pétrole seulement. Du pétrole dans le moteur de l'histoire, pas de lutte sociale, seulement des progrès dans les procédés d'extraction. Un peu de dialectique encore peut-être, car la martingale avec le réchauffement climatique s'est rapidement épuisée, et c'est ainsi que le nucléaire, Deus ex machina facile, apparaît en lieu et place de la révolution comme la seule manière de sauver nos acquis sociaux en attendant le grand soir de la fusion, Pierre Messmer et Kropotkin enfin. Réconcilier. Donc si je vous suis bien, Aurélien, vous dites que le nucléaire aurait enfin réussi à faire fusionner la droite et la gauche ? Exactement. Reste une question épineuse, celle des déchets. Pas ceux de Bure, évidemment. Ceux-là, on arrivera toujours à les gérer. Je veux parler des déchets au sens métaphysique du terme, entre péché originel d'un côté et contre-productivité industrielle de l'autre. Imaginez un problème réglé, c'est l'enfouir dangereusement au niveau anthropologique. Nous sommes clairement ici face à une utopie qui réglerait tout, tout sauf la question politique. On a la belle affiche, mais on n'a toujours pas compris ni à qui elle profite, ni ce qu'elle promeut vraiment. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laure Blanqui, Lila Bozès et Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions sur Darwin. À la prise de son aujourd'hui, c'était Nasser Moussaoui. À la lecture des textes, Vincent Schmitt. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série sur l'origine des espèces de Charles Darwin. Nous serons à nouveau en compagnie de Thierry Hoquet. Alors pour entendre cela, l'émission que nous venons de faire aujourd'hui afin de préparer celle de demain, vous pouvez réécouter l'émission, hein, vous le savez, en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France. C'est gratuit évidemment et elle vous permet d'écouter en direct chaque émission, mais aussi en téléchargement, en podcast, comme ça vous l'écoutez où vous voulez, quand vous voulez, et vous pouvez stocker les podcasts pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est toujours ravis de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. À demain, 10h, d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.